The Lord is good. The beginning of faith is the end of fear. God bless you all. There is no position. azala azali na yembi Yesu akozala il m'a donné la vie il m'a rendu ravi du péché m'a sauvé pour que je sois à lui nanya pesa lobiko ya boye nanya pesa lobiko ya boye Yesu azwakinga na se atombolinga likolo Yesu azwakinga na se atombolinga likolo Yesu azala azali na yembi Yesu akozala il m'a donné la vie il m'a rendu ravi du péché m'a sauvé pour que je sois à lui Alléluia Eza na nyango to yembela Ezana nyango to bindela Ezana nyango na osanjola Dedikase na bwaki na kacha nzembo Na obwaka nzambe pona mbongo te Bina bina bina Bina bina bina Azali na yembi Yesu akozala Il m'a donné la vie Il m'a rendu ravi Du péché m'a sauvé Pour que je sois à lui Eza na nyoyo Eza yesele Nanya sangisi biso lelo Eza yesele Nanya mo apesi yo makasi na nzoto Eza yesele Nanya mo a changé histoire à vie na yo Eza yesele Eza na nyoyo Macha vie, macha vie, macha vie, macha vie, macha vie, macha vie, et comment, allez changer macho yo, changer macho yo, allez macha vie, et comment, mais tobi de l'ombre, boya, boya, boya, tobi de l'ombre, allez.